Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les Britanniques veulent-ils constituer un front de Méditerranée orientale autour de la Grèce et de la Turquie pour prendre à revers le dispositif allemand au début de la Seconde Guerre mondiale, s'interroge l'historien Henri Laurence. Comment la Grande-Bretagne a-t-elle ouvert la bataille du désert en attaquant les positions de l'Italie fasciste en Libye? Quelle est la puissance de l'anglophobie dans le monde arabe après la dure répression de la révolte palestinienne écrasée en 1939-1940 par les Britanniques? Et comment l'Allemagne joue-t-elle la carte de la libération des Arabes du joug britannique? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, s'interroge sur l'hégémonie britannique de 1926 à 1956 dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient. Le cours précédent nous a fait entrer dans la Seconde Guerre mondiale et un Orient mis sur le pied de guerre par les Anglais et les Français. L'historien a indiqué que le pacte germano-soviétique du 25 août 1939 a bouleversé les données stratégiques, provoquant une guerre qui n'était véritablement attendue par la majorité des acteurs que 2 ans plus tard. L'Italie fasciste a été prise au dépourvu et se trouve en état d'impréparation. Pour sa part, la Turquie, après la conquête de la Pologne par les forces nazies et soviétiques, s'inquiète du risque que cette collusion s'étende jusqu'aux pays riverains de la mer Noire, et les franco-britanniques craignent de la voir s'éloigner de l'alliance défensive conclue au printemps 1939. Enfin, notait Henri Laurence, les États liés par des traités avec les Britanniques, l'Égypte et l'Irak n'ont pas d'autre choix que de rompre les relations diplomatiques avec l'Allemagne nazie et de mettre leur territoire à la disposition de l'armée britannique. Cette mainmise britannique est très mal ressentie par les milieux nationalistes. Alors comment vont se positionner l'Égypte et l'Irak pendant la Seconde Guerre mondiale? Quelles vont être les heures les plus difficiles, expression consacrée, pour les Britanniques au printemps 1941 dans les Balkans, en Crète et en Syrie? Comment va intervenir un coup d'État en Irak en 1941? Et comment le massacre des Juifs de Bagdad laissera-t-il un traumatisme pour la communauté juive irakienne? Mais en première partie, nous retrouvons le début de la bataille de la Méditerranée en 1940. Alors quel était l'état des forces françaises au Levant et des forces britanniques au Proche-Orient? Nous gagnons le Collège de France le 5 décembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence. Aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale et les heures les plus difficiles. Donc, je vous ai laissé, comme d'habitude, en plein suspense et en plein drame la dernière fois, puisque nous étions au début de la Seconde Guerre mondiale au Proche-Orient. Évidemment, durant la drôle de guerre et le fait que l'Italie n'est pas encore entrée en guerre, la région est tout à fait calme, même si elle se met sur pied de guerre. Alors, les forces françaises du Levant se montaient à peine une vingtaine de milliers d'hommes de troupes coloniales et 13 000 hommes de troupes locales, les forces spéciales du Levant, à la veille de la guerre. Et après l'entrée en guerre, à partir de septembre 1939, 36 000 hommes de renfort vont progressivement arriver. Mais l'ensemble reste très hétéroclite et loin de correspondre aux ambitions prêtées à cette nouvelle armée d'Orient, puisque les stratèges français et anglais pensent éventuellement à refaire la guerre précédente, comme il se doit, et donc de refaire une opération de Salonique Mais avec les moyens qui sont à disposition et le temps pour arriver à Salonique, les Allemands y seront avant eux. Donc c'est quand même un peu gênant. Les Français ont la zone balkanique sous leur autorité, les Britanniques, l'Égypte, Soudan, qui est en contact direct avec les Italiens. Et du côté britannique, comme en 14, enfin plutôt en 15, ce sont les arrivées des Anzac, Australie et Nouvelle-Zélande, comme il se doit, qui arrivent en Égypte. Mais cette fois, les troupes des Dominion sont indépendantes des troupes britanniques. C'est-à-dire qu'elles sont en unité constituée, elles ne sont pas amalgamées à l'armée britannique. Alors, dans les deux cas, les Français comme les Anglais, l'aviation est faible en quantité et en qualité, alors que les tâches qui leur sont confiées sont théoriquement démesurées. Donc on est dans une situation d'attentisme et on ne cherche pas du tout à provoquer les Italiens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la stratégie globale des deux puissances occidentales durant la drôle de guerre. Évidemment, on a remis l'Allemagne en état de blocus comme durant la Première Guerre mondiale et surtout, l'on attend la montée en puissance de l'industrie de guerre française et britannique, en particulier française. Et ça, c'est un aspect qu'on a un peu négligé aujourd'hui. C'est l'extraordinaire montée en puissance de l'industrie française d'armement dans les premiers mois de la guerre, au point que, logiquement, au début de 1941, le matériel français aurait surclassé le matériel allemand. Et c'était donc bien la stratégie d'attendre d'avoir acquis cette supériorité pour reprendre l'offensive. Alors, l'attaque soviétique sur la Finlande, à partir du 30 novembre 1939, a suscité un puissant mouvement anti-soviétique, mais pour les stratèges alliés, c'est surtout le fait que l'Union soviétique empêche l'efficacité du blocus de l'Allemagne, parce que tout le ravitaillement en matières premières de l'Allemagne nazie vient d'Union soviétique, en particulier le carburant, qui est fourni par le pétrole du Caucase à l'armée allemande. D'où le projet qui est étudié par les Français et les Anglais d'aller bombarder les champs pétrolifères de Roumanie et du Caucase, donc de l'Azerbaïdjan actuel, pour couper les ravitaillements en pétrole de l'Allemagne nazie, quitte à survoler la Turquie théoriquement neutre, et attaquer un pays pour lequel on est plutôt en froid, qui est l'Union soviétique. Mais techniquement, ça ne correspond pas du tout aux moyens dont dispose l'aviation française à cette époque. Il faudrait avoir des terrains d'aviation gezérés, donc dans la vallée de l'Euphrate, et des appareils capables de faire un tel trajet aller-retour. Donc on n'a pas dépassé les études préalables, mais l'invasion allemande du Danemark et de la Norvège en avril 40 a mis fin à ces projets. Alors, ça aura des conséquences, évidemment, c'est que, après la défaite de la France, les nazis mettront la main sur les plans d'attaque du Caucase soviétique et se feront un plaisir de le transmettre à Staline, ce qui, évidemment, déplaira beaucoup au génial père des peuples. Alors, la victoire allemande en Scandinavie rend de plus en plus probable la fin de l'inaction italienne. Mais en même temps, les pertes de la flotte allemande dans l'opération de Norvège et du Danemark fait qu'on peut renforcer la flotte de Méditerranée, le danger naval allemand étant diminué. Et maintenant, on concentre des forces navales suffisantes en Méditerranée orientale, en particulier, on voit toute une escadre, un solide détachement naval français qui prend position dans la rade d'Alexandrie pour participer aux prochaines opérations. Et puis, début de la bataille de la Méditerranée, évidemment le 10 mai 1940, à la fois jour où Winston Churchill prend la fonction de Premier ministre, et le début de l'offensive allemande en Belgique et en France. Et quand la débâcle française devient assurée, le 11 juin 1940, l'Italie fasciste entre en guerre. Dès le 14 juin, les Britanniques attaquent les positions italiennes en Libye ce qui commence donc la fameuse bataille du désert qui va durer près de 3 ans. Alors, bon, non pas que ce soit une appellation fausse, la bataille du désert, mais en réalité, cette bataille du désert va se faire le long d'un corridor de quelques dizaines de kilomètres le long du littoral. Il n'y aura pas de pénétration profonde à l'intérieur du désert, sauf la colonne Leclerc qui viendra du Tchad par le Fezzan. Mais en dehors de cela, en réalité, tous les combats seront à proximité de la Méditerranée. Tout de suite, on se heurte au caractère même de cette guerre spécifique du désert occidental, c'est que le matériel s'use rapidement et dès qu'on progresse, on s'éloigne de ses bases de ravitaillement. Et donc on a de moins en moins de force en première ligne et inversement, l'adversaire, lui, se rapproche de ses propres bases de ravitaillement et se renforce. Donc la spécificité de la guerre du désert sera une série de gigantesques yo-yo sur des centaines de kilomètres. Après l'armistice du 22 juin, la France est sortie de la guerre. Au Levant, le commissaire a un moment pensé refuser l'armistice, mais finalement, à cause de diverses pressions, il doit céder aux ordres venus de la métropole. Et après l'affaire de Marcel Kébir, le 3 juillet 40, c'est la fin de la coopération franco-britannique. Le détachement naval français va rester prisonnier pendant 3 ans dans la rade d'Alexandrie, puisque les Britanniques vont évidemment lui interdire de sortir de la rade et les marins français refuseront de joindre les Alliés avant 1943. Quelques officiers et soldats du Levant passent du côté de la France libre, mais ils sont une toute petite minorité. Et durant l'automne 40, l'arrivée d'envoyés de Vichy vont conduire à une sévère épuration de l'armée et des cadres civils du mandat. Alors, celui qui commande, c'est le fameux général Wavell, W-A-V-E-2-L, qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie parce qu'en fait, il va porter le fardeau des heures les plus difficiles de la guerre sur lui. Et Churchill va le harceler en permanence en lui disant d'agir alors que lui, il tient pratiquement avec des bouts de ficelle des zones géographiques considérables. Donc, Wavell ne veut pas de troubles sur l'arrière. Donc, il passe un pacte tacite avec les autorités mandataires de Vichy, pas de débauchage de soldats, contre le transfert vers la Palestine d'une brigade polonaise stationnée en Syrie. Et ce qui est plutôt rare du côté de la France de Vichy, on laisse partir les réfugiés allemands vers la zone britannique au lieu de les livrer aux autorités nazies. Largement enclavés dans le système britannique, les États du Levant se trouvent en réalité dans une situation de semi-blocus avec peu de communication avec la France métropolitaine. Le gouvernement de Vichy au Levant est autoritaire parce que de toute façon, il n'est pas question de rétablir un système parlementaire sous Vichy. Et il y a de nombreuses difficultés matérielles, d'où des manifestations de protestation de la population en Syrie qui sont animées par le bloc national. Quand la France se retire de la Société des Nations en avril 1941, on lance le thème nouveau de l'illégalité du mandat français, puisque c'est un mandat de la Société des Nations. Alors, un personnage très important de l'histoire de France va beaucoup nous intéresser ces jours-ci, c'est le général Catroux. L'ancien gouverneur général de l'Indochine, il a refusé de se rallier à Vichy, mais comme les autres ne suivaient pas en Indochine, il a quitté l'Indochine pour rejoindre la France libre. Mais il n'a jamais eu le temps d'aller à Londres, il est arrivé juste au Caire et a reconnu l'autorité de Gaulle, qui était de très loin son inférieur sur le plan hiérarchique. Et de Gaulle l'a investi de la responsabilité de la France libre dans cette région du monde. Ce grand seigneur, au tempérament de conciliateur, a un style souvent très opposé à celui de De Gaulle, qui qui sait susciter des crises pour faire avancer des positions, mais c'est aussi un grand patriote qui a su devenir le compagnon irremplaçable du chef de la France libre. Vous rappelez qu'Atrou venait de l'armée d'Afrique, le Maroc, et puis ensuite il a fait l'essentiel de sa carrière au Levant, donc c'est un spécialiste des questions arabes. Alors, Atrou se rend compte qu'il n'est pas possible d'obtenir le ralliement de l'armée de Vichy, et il espère, dans un éventuel soulèvement des populations libanaises et syriennes, pour réintégrer le Levant dans la zone française libre. Mais dans ce cas, il faut admettre l'indépendance immédiate de la Syrie et du Liban. Cela dit, pour lui, cette indépendance ne peut être qu'analogue à celle accordée à l'Égypte et à l'Irak par les Britanniques. C'est une indépendance sous traité. Autrement dit, soyons clairs, pour Atrou, il n'est pas question d'aller plus loin qu'une version améliorée des traités franco-syriens et franco-libanais de 1936. De toute façon, on n'a pas les moyens d'intervenir militairement au Levant. Wavell doit faire face à une armée italienne théoriquement bien supérieure en nombre, et surtout, les Britanniques vont donner la priorité à ce qu'ils considèrent comme la menace la plus dangereuse, c'est-à-dire les Italiens d'Éthiopie. Et donc, ils envoient Haïlé Selassie rallier ses partisans en Éthiopie, accompagnés de colonnes mobiles britanniques. Et on voit toute l'importance que Churchill accorde au Proche-Orient, puisque en août 40, au début de la bataille d'Angleterre, il envoie la moitié des blindés britanniques disponibles au Proche-Orient. Donc, c'est un pari absolument audacieux. À l'automne 40, comme l'Angleterre continue de résister et que la guerre se poursuit, Hitler et Mussolini sont obligés de convenir qu'au moins pour l'instant, il ne peut être question d'émettre des revendications sur l'Afrique du Nord française, la Tunisie pour l'Italie, le Maroc pour Franco. Ces questions devront être remises au lendemain de la guerre. Et ça, ça va être l'essence de toute la politique de l'Axe jusqu'en 1943. Il n'est pas question de contrer Vichy en Afrique du Nord. Car si on fait la moindre geste dans ce sens, l'Afrique du Nord va basculer du côté britannique. Et, donc, il n'est pas question de faire un soutien quelconque à une cause arabe à cause de la présence de Vichy. À la mi-septembre 40, les Italiens de Libye pénètrent dans le désert occidental de l'Égypte sur une centaine de kilomètres, puis s'arrêtent pour des questions de logistique. D'autant plus qu'en novembre, Mussolini tente d'envahir la Grèce à partir de l'Albanie. Et décembre 1940 et janvier 1941 ne sont qu'une suite de revers pour les Italiens. Ils sont rejetés en Albanie par les Grecs, tandis que les Britanniques lancent une contre-attaque victorieuse dans le désert occidental, faisant des dizaines de milliers de prisonniers avec des pertes minimes de leur côté. Et pratiquement au début de février 1941, comme vous pouvez voir sur la carte, les Britanniques contrôlent la quasi-totalité de la Cyrénaïque. Et en Afrique de l'Est, la résistance italienne s'effondre. Le 20 mai 1941, voit la capitulation des dernières troupes italiennes d'Éthiopie. L'impréparation du régime fasciste est flagrante. Les stocks de matériel et de munitions sont insuffisants. Et au lieu de constituer un périmètre défensif, les généraux italiens se sont dispersés pour faire face aux attaques qui venaient sur tous les fronts. Et ils ont été en fait battus successivement par des envahisseurs qui étaient numériquement bien inférieurs. De ce fait, en février-mars 41, maintenant les Britanniques contrôlent la totalité de l'accès de la mer Rouge. Le pacte germano-soviétique a permis à Staline de récupérer l'essentiel des pertes de l'Empire russe durant la Première Guerre mondiale. Après la chute de la France, les États baltes, qui étaient considérés comme des zones d'influence soviétique par le pacte, sont annexés par l'Union soviétique. La Bessarabie roumaine est ensuite annexée par les soviétiques. L'Est de l'Europe se trouve ainsi divisé entre l'Allemagne nazie et ses alliés d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Staline essaye de mettre la Bulgarie de son côté pour faire de la mer Noire une région dominée par l'Union soviétique, mais Hitler s'oppose à la pénétration soviétique en Bulgarie en obtenant l'entrée des troupes allemandes dans ce pays en janvier 1941. Ce qu'il faut noter, c'est que la politique étrangère soviétique se définit par la reprise du vocabulaire des puissances impériales d'avant 1914, avec en particulier tout un vocabulaire de zone d'influence qui rappelle les partages impérialistes du monde de par l'Europe à la fin du XIXe siècle. Pour Staline, le maintien de l'alliance avec l'Allemagne nazie est la priorité absolue, mais sur la base d'un nouveau pacte définissant ses sphères d'influence aussi bien dans les Balkans qu'au Proche-Orient. C'est donc l'objectif de la visite du ministre des Affaires étrangères soviétique Molotov, le camarade Niet, à Berlin le 12 et 13 novembre 1940. Molotov complète les demandes soviétiques qui sont autant de poursuites d'objectifs tsaristes, bases militaires dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, création d'une zone d'influence allant de l'Azerbaïdjan soviétique au golfe Persique, et même du côté du Japon, revendication sur la totalité des îles Kouriles. Pour le caucasien Kestaline, la Turquie pèse peu. Qu'est-ce que la Turquie, dit-il ? Il y a là 2 millions de Géorgiens, 1,5 million d'Arméniens, 1 million de Kurdes, etc. Les Turcs ne sont que 6 ou 7 millions. Mais les Allemands veulent un contrôle complet des Balkans. Hitler ne veut pas d'une opération de Salonique qui mettrait en danger les champs de pétrole de Roumanie, dont la production est vitale pour l'armée allemande. Dans leur proposition à Molotov, ils sont prêts à reconnaître que les aspirations soviétiques en direction du golfe Persique. En ce qui concerne la Turquie, ils ne veulent pas aller plus loin que la révision de la Convention de Montreux de 1935, permettant le libre passage des marines de guerre dans toutes les circonstances. Assez clairement, il ne peut être envisagé qu'une mise sous tutelle de la Turquie par l'alliance de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Union soviétique. C'est à la fin 1940 que Hitler a pris la décision d'attaquer l'Union soviétique. Staline est conscient du danger, mais pense que la taille de l'armée rouge, c'est-à-dire 3 millions d'hommes disposés dans l'ouest de l'Union soviétique, suffit à dissuader l'attaque allemande. Il cherche à éviter toute provocation et continue à livrer à l'Allemagne les matières premières qu'elle demande, pétrole, métaux rares, céréales. Pour être clair, même si ça peut choquer une personne, il faut bien comprendre que les blindés qui ont battu l'armée française en 40 et qui ont fait la bataille d'Angleterre étaient alimentés en pétrole soviétique. Devant la succession des défaites italiennes, Hitler se trouve contraint d'intervenir pour porter secours à son allié. Il est donc décidé une invasion de la Grèce à partir de la Bulgarie, alliée de l'Allemagne, et par la Yougoslavie qui serait contrainte d'accepter le passage des forces allemandes. Parallèlement, un corps expéditionnaire allemand est envoyé en Libye, donc c'est la fameuse Afrika Korps, avec le général Rommel, qui est pour l'instant juste quelqu'un qui s'est illustré à la tête d'une division de Panzer dans l'invasion de la France. Il s'agit de sauver la Tripolitaine et ensuite de reconquérir la Cyrénaïque. Pendant ce temps, les Britanniques apportent un maximum de secours possible aux Grecs plutôt que de chercher à liquider la présence italienne en Afrique. Londres veut toujours constituer un front de la Méditerranée orientale autour de la Grèce et de la Turquie. Ainsi, au début du printemps 1941, non seulement les Britanniques ont tenu face à des ennemis beaucoup plus puissants, mais ils ont maintenu ce que les Allemands considèrent comme un danger inacceptable, le risque de prendre à revers leur dispositif à partir de la Méditerranée orientale. Alors passons au front intérieur maintenant. En Égypte, le jeune roi Farouk gouverne en s'appuyant sur les partis dits minoritaires, c'est-à-dire non wahhabistes. En dépit du fait que son territoire soit devenu un champ de bataille, l'Égypte refuse d'entrer en guerre et l'armée égyptienne ne participe pas au combat. La non-belligérance permet d'espérer que les agglomérations égyptiennes soient épargnées, en particulier des bombardements aériens, ce qui ne sera pas le cas pour Alexandrie, puisque c'est une porte de guerre, donc il y aura des bombardements sur Alexandrie. Le gouvernement égyptien s'est ainsi limité à rompre les relations diplomatiques avec l'Italie et l'armée a reçu l'ordre de ne pas participer au combat. Le traité de 1936 avait permis un accroissement significatif des effectifs de l'armée égyptienne, ce qui avait ouvert le recrutement à de jeunes officiers dont une bonne part venait des classes moyennes, particulièrement sensibles aux différents courants d'expression du nationalisme égyptien, aussi bien d'inspiration islamique que proprement nationaliste avec quelques thèmes socialistes. En réalité, les intéressés pouvaient naviguer en quelques mois d'une position de gauche extrême à l'appartenance aux frères musulmans et puis revenir dans l'autre sens. Leurs convictions étaient plutôt des recherches d'eux-mêmes qu'une adoption franche d'une idéologie. La stratégie du palais avait été dans cette période de favoriser les groupements d'inspiration islamique et nationaliste qui convergeraient vers une forme d'État autoritaire qui devrait bénéficier, selon ses promoteurs, au roi Farouk, dont la popularité, c'est vrai, à cette époque-là, extrêmement forte. Indépendamment de la quête pour le pouvoir, le but recherché est de liquider la présence britannique en Égypte que la guerre a rendue encore plus insupportable. Sinon, il faut préserver les intérêts de l'Égypte, en particulier dans l'éventualité d'une victoire des puissances de l'Axe. La question n'est pas dans les médias d'actualité, du fait des succès britanniques en Libye. Mais pour simplifier les choses, on peut dire, si vous voulez, que le palais, donc l'entourage de Farouk, essaye d'ouvrir des canaux de communication avec l'Allemagne et l'Italie, et que les réseaux du palais sont en contact avec ce monde des jeunes officiers nationalistes de l'armée égyptienne qui ne sont pas combattants, puisque l'armée égyptienne ne se bat pas. Bon, vous avez bien compris que ces jeunes, c'est Anwar es-Sadat, Gamal Abdel Nasser, etc., ceux qui sont déjà appelés clandestinement les officiers libres. En Palestine, la politique suivie par la puissance mandataire est d'éviter de heurter les communautés. Pour ménager les Arabes, il n'est pas question de lever des troupes juives en dépit des demandes de l'agence juive. Et pour ménager les Juifs, le processus de dévolution des pouvoirs prévu par le Livre blanc n'est pas engagé. Dans le même esprit, la lutte contre l'immigration illégale est renforcée à un moment où la voie des Balkans reste encore ouverte. Il faut bien comprendre, pour la tragédie de la destruction des Juifs d'Europe, que jusqu'au printemps 41, il y a encore une voie de sortie par les Balkans vers la Turquie qui existe. Et donc, les réfugiés arrivent sur la Méditerranée orientale. Les Britanniques, quand ils interceptent des réfugiés, les déportent dans l'île Maurice. D'où le drame du bateau, le Patria, qui a amené près de 2000 réfugiés en Palestine, qui a été intercepté par les Britanniques, qui le font stationner dans la rade d'Haïfa, pour ensuite envoyer le bateau à l'île Maurice. Et la Haganah fait sauter le bateau pour espérer forcer les Britanniques à accepter. Mais ils ont mal calculé leur coût, si on peut dire, puisque ça fait 252 morts chez les réfugiés. Alors, par souci d'humanité, les Britanniques acceptent les 1500 autres survivants du Patria, mais annoncent qu'ils s'opposeront par tous les moyens à l'immigration clandestine. La droite du mouvement sioniste connaît une scission avec la formation du groupe Stern, du nom de son chef, Abraham Stern, qui veut un État juif fasciste en Palestine qui abriterait les Juifs d'Europe. Le groupe Stern tente d'entrer en contact avec les Italiens et les Allemands sur cette base, par le biais de la Turquie, enfin de l'ambassade allemande en Turquie, puisque c'est le seul contact au Proche-Orient qu'on peut avoir avec les Allemands. Mais les Allemands refusent tout contact avec les émissaires du groupe Stern. En 1942, la police britannique démantèlera le groupe et son chef sera tué, selon la formule consacrée, lors d'une tentative d'arrestation. On sait qu'en général ce que ça veut dire. En Irak, le gouvernement d'union nationale de Rachid Ali al-Kalani a dû faire face aux conséquences de la défaite française. Nour al-Said et le régent restent convaincus de la nécessité de l'alliance britannique, tandis que les officiers du Carré d'Or et les nationalistes regroupés autour du mufti de Jérusalem sont persuadés de la victoire à venir de l'Allemagne. Rachid Ali tente de maintenir une stricte neutralité, mais doit faire face au passage des troupes britanniques par le territoire irakien en vertu du traité d'alliance entre les deux pays. En raison de son refus de rompre les relations diplomatiques avec l'Italie, les Britanniques exigent sa démission, mais Rachid Ali refuse. Il est ainsi identifié de plus en plus aux adversaires des Britanniques. En janvier 1941, le régent se lance dans une épreuve de force en demandant son renvoi. Le premier ministre refuse en s'appuyant sur l'armée et les nationalistes arabes. On risque un moment de guerre civile, mais Rachid Ali cède à la fin du mois et un gouvernement plus neutre est formé. Convaincu qu'il n'est pas possible d'arriver à un accord avec les Britanniques, Rajamé Nalesaini, le mufti de Jérusalem, sait aussi que les Britanniques cherchent à le faire assassiner, ce qui est corroboré par les archives britanniques. Le mufti donc tente d'entrer en contact avec les Allemands en juillet 1940 en envoyant un émissaire à Ankara, puisqu'encore une fois, c'est par Ankara que passent les contacts. Il se pose tout aussi bien en dirigeant palestinien qu'arabe et propose une alliance contre leurs ennemis communs, le judaïsme et la démocratie. Se fondant sur l'expérience des Hachémites de la Première Guerre mondiale, il veut obtenir des engagements précis et publics avec une déclaration allemande reconnaissant l'indépendance de tous les pays arabes d'Afrique et d'Asie sous domination française et anglaise et le droit de réaliser leur indépendance. Et de plus, l'Allemagne et l'Italie reconnaissent le droit des pays arabes de résoudre la question des éléments juifs en Palestine et dans les pays arabes d'une façon conforme aux intérêts nationaux et ethniques des Arabes et à la solution de la question juive en Allemagne, en Italie. Mais attention, nous sommes ici en juillet 40, donc la Shoah n'a pas encore commencé, même si les persécutions sanglantes ont lieu en Pologne. Il n'est pas encore question de génocide volontaire en juillet 1940. Mais comme je vous l'ai expliqué, les dirigeants du Troisième Reich ne veulent pas inquiéter Vichy et donc refusent toute prise de contact ou tout engagement officiel envers les nationalistes arabes. La propagande radiophonique en arabe de Berlin multiplie les attaques anti-juives et évoque une vague sympathie pour les aspirations arabes, mais pas de précision particulière. En janvier 41, le mufti adresse une nouvelle lettre à Hitler, mais la réponse est polie et vague. It is upon this foundation that Hitler, with his tattered lackey Mussolini at his tail and Admiral Darlan frisking at his side, pretends to build out of hatred, appetite and racial assertion a new order. For Europe. Churchill, 12 juin 1941. Never did so mocking a fantasy obsess the mind of mortal man. We cannot tell what the course of this fell war will be, as it spreads remorseless to ever wider regions. We know it will be hard. We expect it will be long. We cannot predict or measure its episodes or its tribulation. But one thing is certain, one thing is sure, one thing stands out stark and undeniable, massive and unassailable for all the world to see. It will not be by German hands that the structure of Europe will be rebuilt, or the union of the European family achieved. In every country into which the German armies and the Nazi police have broken, there has sprung up from the soil a hatred of the German name and a contempt for the Nazi creed, which the passage of hundreds of years will not efface from human memory. We cannot yet see how deliverance will come or when it will come, but nothing is more certain than that every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged and, if need be, blasted from the surface of the earth. This then, my lords and gentlemen, is the message which we send forth today to all the states and nations, bond or free. to all the men in all the lands who care for freedom's cause, to all our allies and well-wishers in Europe, to our American friends and helpers drawing ever closer in their might across the ocean. This is the message. Lift up your hearts. All will come right out of the depths of sorrow and of sacrifice. Will be born again the glory of mankind. Alors, nous passons maintenant à ce qu'on peut appeler les heures les plus difficiles. Selon l'expression de l'époque, c'est le moment du printemps 1941 où l'Angleterre semble vaciller sous les coups allemands. C'est dans la mémoire britannique, c'est ça. Les heures les plus glorieuses, c'est la bataille d'Angleterre. Et les heures les plus difficiles, c'est avril-mai 1941. Les responsables anglais ont toujours accusé les Français d'être responsables de l'hostilité des Arabes envers eux. Mais en réalité, la puissance de l'anglophobie est essentielle dans tous les peuples arabes du Proche-Orient, en particulier en Égypte et en Irak, qui n'ont appliqué les traités que de façon contrainte et forcée. Si l'ordre règne en Palestine, maintenant, les derniers feux de la révolte ont été écrasés à la fin 39, début 40, il est clair que le sujet pèse lourdement dans les relations anglo-arabes. Certains essayent de trouver des solutions à la question de Palestine en intégrant ça dans une fédération arabe du Proche-Orient, mais pour l'instant, le projet est plutôt vague. Churchill a toujours été favorable au sionisme depuis le début de sa carrière politique au début du XXe siècle, mais pour lui, la priorité absolue va à la défense des intérêts de l'Empire britannique. Au moment du premier projet de partage, en 1937, des proches de Ben Saoud avaient évoqué la possibilité de faire de ce monarque le chef de la fédération arabe à la place du souverain hachémite. Il est connu qu'avec l'entrée en guerre, les finances de l'État saoudien sont complètement asséchées parce que pratiquement le pèlerinage à la Mecque a cessé de fonctionner. Certains intermédiaires proposent que d'importants subsides soient offerts à Ben Saoud en échange de l'acceptation du foyer national juif et du déplacement de la population arabe vers d'autres pays de la région. Ces projets intéressent les dirigeants de l'Alliance juive qui le retransmettent à Churchill qui donne son approbation, mais immédiatement le Foreign Office dirigé par Anthony Eden et le Colonial Office s'y opposent vigoureusement puisque pour Eden, qui est redevenu ministre des Affaires étrangères le 22 décembre 40, un tel projet susciterait une révolte arabe de l'ensemble du Proche-Orient. Pour l'instant, au début de 41, la priorité absolue est donnée aux opérations militaires. Sur ordre de Londres et contre son opinion, Wavell a dû dégarnir le front libyen pour porter secours à la Grèce, alors que Rommel, avec des éléments motorisés allemands, arrive de l'autre côté. En même temps, l'aviation allemande basée en Sicile, Libye et de Dodécanèse est capable d'atteindre l'ensemble des bassins de la Méditerranée orientale. Au début de mars, l'armée allemande prend position en Bulgarie et le 24 mars, Rommel lance une reconnaissance armée, c'est ce qu'il a expliqué à son quartier général, mais en fait c'est une véritable offensive. Et comme les Anglais interceptent les communications allemandes et les décodent, ils pensent que c'est qu'une reconnaissance puisque Rommel a dit que c'était une reconnaissance. Mais en fait, c'est une véritable attaque de la part du chef de l'Afrika Korps. Et donc, les Anglais sont rapidement en pleine retraite en Cyrénaïque. Le 5 avril, l'Allemagne déclare la guerre à la Yougoslavie et à la Grèce. Et une nouvelle guerre éclair commence avec l'invasion le lendemain des deux pays. En Cyrénaïque, Rommel échoue à prendre Tobrouk, mais reprend le reste de la Cyrénaïque selon la règle du yo-yo. Les Anglais se rapprochent progressivement de leur base de départ, tandis que lui allonge ses lignes de communication. Le 17 avril, la Yougoslavie capitule, et il est clair que les Grecs ne pourront pas résister longtemps. Le 23 avril, les Britanniques commencent à évacuer leurs troupes de Grèce vers la Crète, et vers l'Égypte, c'est un nouveau Dunkerque qui permet de limiter les dégâts, mais encore une fois avec une perte d'un matériel lourd qui est toujours aussi précieux que rare dans l'armée britannique. En Irak, Rachid Ali, avec l'appui des colonels, organise un coup d'État pour reprendre le pouvoir le 2 avril 1941. Le régent et l'enfant roi réussissent à s'enfuir et se réfugier chez les Britanniques. L'élite irakienne se trouve divisée en partisans adversaires des Britanniques qui refusent de reconnaître la légitimité du nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement qui a déposé le régent et a nommé un autre membre de la famille royale comme régent. Saïd Ali s'engage publiquement à respecter les obligations du traité, mais les Britanniques le mettent à l'épreuve en débarquant des troupes à Basra, sous prétexte de le faire partir vers l'Égypte en traversant l'Irak. Il est certain que les nationalistes arabes radicaux ont demandé à plusieurs reprises depuis début 1941 à l'Allemagne de leur fournir des armes, si possible britanniques, puisque c'est l'équipement de l'armée irakienne. Mais les Allemands ne disposent pas d'un stock important d'armes prises à l'ennemi. Et de toute façon, il est évident que la Turquie ni l'Union soviétique s'opposeraient toujours au passage de telles gargaisons par leur territoire. Berlin est donc attentiste, faute de pouvoir faire autre chose. Le 25 avril, les Italiens, qui sont toujours présents à Bagdad, font savoir que Rachid Ali a peur que les troupes britanniques présentes en Irak soient là pour le chasser du pouvoir. Le 3 mai 1941, Hitler décide l'envoi d'une aide à l'Irak et le 11 mai, une mission allemande arrive à Bagdad. Le thème de la propagande sera la libération des Arabes du joug britannique et le droit à l'autodétermination. Le contenu politique de cette autodétermination n'est pas défini. À la fin avril, le gouvernement irakien a tenté d'imposer des restrictions considérables à la présence des forces britanniques, ce que les intéressés refusent. Les combats commencent à partir du 2 mai 1941 autour des bases militaires britanniques de Rabaniya à proximité de Fallujah, à 80 km de Bagdad, et dans la région de Basra. Kaoukji, vous vous rappelez, donc, celui qui avait fait la révolte de 25 contre les Français puis la révolte de 36 contre les Britanniques en Palestine, reprend du service, élève une force de volontaires pour couvrir les frontières transjordaniennes et syriennes. Alors face aux menaces, à la fois dans le désert occidental, en Crète et en Irak, Wavell était persuadé qu'il fallait donner la priorité à l'Ouest et donc il ne veut pas intervenir en Irak, mais il est maintenant forcé de le faire et il improvise une seconde occupation de l'Irak en raclant littéralement les fonds de tiroir des forces occidentales disponibles dans la région. Il s'agit donc de troupes indiennes qui remontent à partir de Basra, tandis qu'une colonne de secours doit partir de la Transjordanie pour aller libérer Rabaniya et ensuite marcher sur Bagdad. Elle est composée de Britanniques, de Palestine, de l'armée transjordanienne, la fameuse Légion arabe, force de valeur dirigée par le Ghalib Pacha. La forte garnison de Rabaniya repousse les Irakiens qui doivent se replier sur Fallujah. La frontière irakienne est passée le 13 mai et les envahisseurs britanniques disposent de la supériorité aérienne. C'est alors que l'aviation allemande intervient. L'amiral Darlan, chef du gouvernement de Vichy, est persuadé de la victoire allemande. Certains de ses conseillers poussent même à une entente franco-allemande fondée sur le national-socialisme. Bon, il s'agit entre autres de Benoît Méchat, comme tout le monde sait. Les événements d'Irak font que pour la première fois, l'Allemagne nazie a besoin de la France de Vichy. Darlan accepte le passage par le mandat français d'avions allemands ainsi que la livraison d'armes françaises aux Irakiens. Le but serait de faire de la France un partenaire de l'Allemagne, mais cela dérive bientôt à un marchandage destiné à assouplir les règles de l'occupation et à obtenir la libération des prisonniers. Les accords dits de Paris du 27-28 mai permettent au Reich d'utiliser les bases militaires de Damas, Bizerte et Dakar. L'aviation allemande ne joue finalement que peu de rôle parce que le carburant qu'elle utilise n'a pas le même degré d'octane que les carburants produits au Proche-Orient. Les avions peuvent arriver, mais ils ne peuvent pas voler longtemps. Alors tout ça, bon, je le dis pour la biographie racontée magnifiquement dans les mémoires de Jacques-Benoît Méchain, écrites durant la guerre, de la défaite au désastre, La défaite, c'est la défaite de 40, et le désastre, c'est l'échec de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Il faut être comprendre. Cela dit, c'est un très beau texte, absolument passionnant, et tout le monde l'a pompé pour décrire cet épisode du côté français. Le 18 mai, la jonction des forces se fait à Rabaniya, et ensuite les Britanniques se dirigent sur Fallujah, qui est prise le 22 mai. Il ne restait plus qu'à marcher sur Bagdad. Le 30 mai, les colonnes britanniques venues du nord et du sud sont à proximité de la capitale. Le gouvernement de Rachid Ali s'effondre et c'est une fuite éperdue vers l'Iran des principaux responsables du mouvement. Le manque de résistance des Irakiens se comprend par la très forte division du milieu dirigeant, partagée entre partisans et adversaires de Rachid Ali, qui sont essentiellement sunnites dans les deux cas. Si l'hostilité britannique est générale, il n'y a pas eu de vrai mouvement populaire ni d'appel au djihad. Les appels au djihad n'ont pas fonctionné, ne serait-ce que par une grande partie des chiites étaient plutôt favorables à l'intervention britannique par hostilité à la domination sunnite. L'aviation a joué un rôle majeur dans l'effondrement d'une armée qui n'avait qu'une expérience de répression intérieure. La détermination britannique durant ces jours de courage a été décisive. Les soldats se sont battus avec une très forte infériorité numérique et les chefs ont multiplié les subterfuges pour faire croire à l'existence d'un nombre bien plus considérable de combattants. C'est dans ce contexte que se sont déroulés les tragiques événements du 1er et 2 juin 1941 à Bagdad. Les troupes britanniques, peu nombreuses, ne sont pas entrées dans la capitale, où un vague comité intérimaire s'est mis en place. Les Britanniques veulent maintenir la fiction d'un conflit politique et de la légitimité de la régence. Les soldats irakiens sont autorisés à revenir avec leurs armes dans leur cantonnement. Les Juifs d'Irak étaient évidemment hostiles au régime de Rachid Ali et sont identifiés avec les envahisseurs britanniques qui, pour eux, sont des libérateurs. Comme ces derniers n'entrent pas dans Bagdad et où il n'y a plus d'autorité dans la ville, les soldats s'en prennent aux Juifs de la ville, donnant le signal à une émeute qui tourne au massacre de la population juive et à des pillages. Des voisins abritent et protègent des Juifs, ce qui est fréquent dans ce type d'événement. Ce n'est que le 2 juin que les forces britanniques interviennent pour rétablir l'ordre dans la ville. Le bilan est très lourd. Il y aurait eu entre 150 à 179 juifs tués avec des viols de femmes. 1500 maisons et magasins ont été pillés. Comme le bilan total de ce qu'on va appeler le Farhud, des possessions violentes et de l'ordre de 600 morts, il faut considérer que deux fois plus d'émeutiers ont été tués le 2 juin par le retour des forces de l'ordre. La controverse qui dure jusqu'à nos jours porte sur les facteurs qui ont produit ces événements. Il est incontestable que la situation en Palestine a largement contribué à la déstabilisation de la communauté juive irakienne, même si celle-ci ostensiblement essayait de se démarquer du mouvement sioniste. Ce thème palestinien a été l'essentiel dans la propagande des radicaux nationalistes arabes. L'influence de Radio Berlin est discutable. Ce qui est clair, c'est l'absence d'autorité le 1er juin à Bagdad, dans une ville où la colère grondait, ce qui permet de comprendre que le mouvement a été très largement spontané. On n'a pas trouvé d'appel au massacre venant des cadres nationalistes en fuite. En fait, on comprend beaucoup mieux quand on a en esprit ce qui s'est passé en 2003, lors d'entrée des troupes américaines dans la ville. C'est la même chose, pillage qui se sont déclenchés et les forces d'invasion n'ont pratiquement pas bougé en 2003, exactement comme les Britanniques n'ont pas bougé en 1941, sous raison qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires d'intervenir. Si l'ordre a été rapidement rétabli, l'affaire a constitué un traumatisme profond dans la communauté juive irakienne. Les notables continuent cependant à agir dans le sens de l'intégration à la société, mais beaucoup de jeunes se trouvent dès lors attirés soit par le mouvement communiste, soit par le mouvement sioniste. Dans les deux cas, ils suscitent ainsi une méfiance des autorités. Le pouvoir restauré du régent procède immédiatement à une purge de l'armée et de l'administration. Le pays reste sous occupation et loi martiale. Après un intermède politique, Nuri Sarid redevient Premier ministre le 10 octobre 1941 et le restera jusqu'au 4 juin 1944. Les tribunaux militaires vont condamner à mort par contumace les principaux responsables du coup d'État. Un certain nombre seront exécutés, ce qui laissera une haine profonde envers le régime hachémite dans les milieux nationalistes arabes radicaux. C'est dans ces milieux-là où le jeune Saddam Hussein a émergé plus tard. Mais c'était dans un milieu qui avait participé à la révolte de 1941. Si en apparence la monarchie hachémite est rétablie et l'intervention des militaires dans la vie politique abolie, le système mis en place a été profondément atteint dans sa légitimité. Dans le nord de l'Irak, Kawoukji réussit à maintenir pendant quelques jours une guérilla avant d'être poussé en territoire syrien. Les Allemands obtiennent du gouvernement de Vichy l'accueil des nationalistes arabes radicaux rescapés d'Irak. Ça, c'est une des choses les plus curieuses de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le flirt entre Vichy et les nationalistes arabes radicaux. Alors, on continue les heures les plus difficiles avec la Crète et la Syrie. Pendant les événements d'Irak se déroulaient, les Allemands lancent une audacieuse opération aéroportée sur la Crète le 20 mai 1941. C'est la première invasion aéroportée de l'histoire. En 1940, il n'y avait eu que des coups de main aéroportés, tandis que là, c'est une vraie invasion aérienne, ce qui surprend les soldats britanniques qui ont perdu l'essentiel de leur équipement lors de l'évacuation de la Grèce. Les combats sont particulièrement rudes et les pertes sont lourdes des deux côtés. Finalement, les Britanniques évacuent l'île du 30 mai au 1er juin. Les opérations ont coûté aux Britanniques 3500 morts et 12 000 prisonniers, mais les Allemands ont eu 6 000 hommes hors de combat, dont près de 4 000 tués. Et leur aviation a perdu 370 appareils, ce qui est tout à fait considérable. Il suffit de comparer le coût de l'attaque de la Crète sur l'invasion de la Grèce. L'Allemagne n'a perdu que 1099 morts et 3752 blessés, 385 disparus lors de l'invasion de la Grèce. Donc les pertes sont beaucoup plus lourdes pour la Crète. Et ça explique pourquoi les Allemands renonceront jusqu'à la fin de la guerre à lancer de nouvelles invasions aéroportées, parce que les pertes ont été trop lourdes lors de l'invasion de la Crète. En apparence, le contrôle de la Crète donne aux Allemands la possibilité d'envahir le reste de la Méditerranée orientale. Mais en fait, l'objectif allemand en s'emparant de la Crète est de constituer un bouclier pour défendre les Balkans, c'est-à-dire les pétroles de Roumanie. Le même jour, pour mémoire, le cuirassé Bismarck tente une sortie dans l'Atlantique. Après de nombreuses péripéties, il est finalement coulé par les Britanniques le 27 mai 1941. Ce succès les revigore dans ces jours où la pression allemande apparaissait comme en train de tout emporter. Le gouvernement d'amiral Darlan s'est engagé fort imprudemment dans une collaboration militaire avec l'Allemagne nazie sans obtenir de véritables contreparties. Dès la fin mai, il tente de se dégager des protocoles de Paris, mais c'est trop tard pour le Levant. Le passage de l'aviation allemande par la Syrie et la livraison d'armes aux Irakiens en ces heures tragiques font que la présence de Vichy au Proche-Orient n'est plus acceptable pour les Britanniques. Depuis longtemps, De Gaulle et Cattrou plaident pour une opération militaire conjointe contre le mandat français, mais les responsables militaires britanniques y étaient hostiles à cause de la multitude des engagements. En revanche, un certain nombre d'acteurs de terrain, en particulier en Palestine et en Transjordanie, voient l'occasion de réparer les torts commis envers les Arabes en 1920 en laissant la Syrie aux Français. Ainsi, des gens comme Gholb Pacha sondent les chefs druzes et bédouins à propos d'une éventuelle entrée de troupes britanniques dans le mandat français avec la proclamation de l'indépendance. Bien entendu, pour Gholb Pacha, ça permettrait de faire basculer cette région sous l'influence britannique. On a là l'espèce d'extraordinaire aveuglement britannique qui n'arrive pas à comprendre que l'hostilité aux Britanniques est aussi profonde que l'hostilité envers les français. Ils sont encore dans l'illusion de 1916 et de la révolte arabe. Donc, quand ils voient que les Arabes sont anglophobes, ils disent que c'est la faute à la propagande allemande. Churchill exige qu'on liquide le mandat de Vichy et les Britanniques doivent s'incliner, ce qui permettrait aussi, dans la perspective des premiers ministres britanniques, de lancer un vaste remaniement territorial du Proche-Orient. On est à ce moment-là autour du 20 mai 1941. Ce qu'envisage Churchill à ce moment-là, c'est de faire d'Ibn Saroud le maître de l'Orient arabe, en lui promettant éventuellement un califat. On refait du 1914. En échange, il accepterait que la Palestine occidentale devienne un État juif associé au califat arabe. Il faut être fort. Hein? Immédiatement, les bureaux du Foreign Office s'y opposent avec vigueur. Les Arabes de Syrie, que l'on cherche à se gagner, s'opposeraient à toute mesure favorable aux sionistes. Les mêmes responsables considèrent qu'il faut tirer les leçons des événements en cours et du succès du discours pourtant vague de l'Allemagne nazie. Autrement dit, il faut une déclaration allant dans le sens des aspirations arabes pour éviter, en particulier, que les Arabes de Syrie se montrent favorables au projet des puissances de l'Axe. Autrement dit, ces acteurs reprennent le projet de Churchill, mais sans les sionistes et sans Ibn Saoud, en ne conservant que le projet de fédération ou de confédération arabe. Alors, suspense. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 5 décembre 2018 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956. Aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale et les heures les plus difficiles. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 » chez Fayard en 2017. Et prochainement va paraître le tome 2 de ces crises d'Orient sous le titre « La naissance du Moyen-Orient 1914-1949 ». Iconographie web Claire.Signon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient et de la Seconde Guerre mondiale en compagnie d'Henri Laurence. Il sera question de la bataille du Moyen-Orient. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture. Thank you.